Les gars ils parlent mais ils me connaissent pas. Tu veux savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais. C'est facile, écoute ça. Ça c'est ma vie sur papier sans rien oublier de A à Z. La vérité, rien que la vérité. Pour commencer, il faut reculer le calendrier jusqu'en 1979, Docteur Quoi 9. Un enfant est né. Et cet enfant c'était moi. Expulsé du paradis, j'ai dû faire le diable pour qu'on m'envoie ici. 5 ans plus tard, mon frère me suit, je suis devenu laine et j'ai dû partager mon territoire. Au début ça m'a gêné, un peu jaloux comme tout enfant, mais je me suis adapté comme un grand. Après un certain temps, c'est à faire classer. J'apprends à lire et à écrire, mais je ne sais pas dessiner. À y penser pour croire que les mots étaient ma destinée. Niveau scolaire, un primaire sans trop d'histoire. À part quelques bagarres, mais faut bien défendre son territoire. Plus mon père boit et plus ma mère pleure. Le problème prend de l'ampleur et la situation fait peur. Le moins qu'on puisse dire c'est que mon père c'est pas un doux. 6 pieds plutôt carré avec les problèmes tatou. Partout où il allait, il avait sa quille entre les genoux. Au volant ou non, ça changeait rien du tout. Mais il divorce de l'alcool. Au grand bonheur de ma mère, je crois que j'ai jamais dit, mais j'en étais vraiment fier. I put my lifetime in between the papers lines. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. I put my lifetime in between the papers lines. Mais yo, j'ai travaillé fort, tout ce que j'ai, je l'ai mérité. I put my lifetime in between the papers lines. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. I put my lifetime in between the papers lines. Bring the truth out the dark in the broad daylight. Début du secondaire, début de l'enfer. Moi puis Jean-Pierre collectionnait les pages au casier judiciaire. Du vol à l'étalage jusqu'au vol par effraction. Du bois de vin jusqu'à l'intimidation. On en a fait voir de toutes les couleurs à nos parents. Tellement qu'on nous a interdit de se voir un certain temps. Mais on sortait par les fenêtres de nos chambres la nuit. Et on parcourait la ville à la recherche de nouveaux délits. C'était le bon temps. Heureusement, on s'est assagi même qu'aujourd'hui. Jeff est père de deux enfants. Qui l'aurait dit? Dans mon Walkman c'était Run DMC. Dans mon temps le rap était pas à la mode. Enfin pas ici. Et puis Wu-Tang est sorti. Le clan hip-hop s'est agrandi. Et les skaters sont devenus nos amis. Dans mes écouteurs m'a dit le monde est tien. J'avais l'intention de le serrer dans mes mains. J'ai commencé à boire, fumer et consommer toutes sortes de drogues. Y'a juste la messe que j'ai pas essayé. C'était le hip-hop qui me rendait accro. Un Africain nommé Souleymane m'avait à faire un show sur la grande allée. J'avais pas l'âge pour entrer, mais j'ai fabriqué des cartes et on m'a laissé passer. Mon cœur s'est mis à battre 95 BPM. Et c'est alors que le hip-hop s'est mis à couler dans mes veines. I put my lifetime in between the papers lines. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. I put my lifetime in between the papers lines. Mais yo, j'ai travaillé fort. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. I put my lifetime in between the papers lines. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. I put my lifetime in between the papers lines. Bring the truth out the dark in the broad daylight. Mon baptême de la scène était fait. Et j'étais prêt à faire mes instruments. Mais on n'avait pas ce qu'il fallait. Ni l'argent que ça coûtait pour le matériel. Un bon mic et un sample, ça tombe pas du ciel. Déterminez-moi et quand on s'est donné rendez-vous. Minuit moins quart. Devant chez nous le tout pour le tout. On est parti avec un pied de biche, revenu avec un coffre fort. À l'intérieur, il y avait 2000$. C'est alors que le groupe prend forme. Quand faisait les beats et je rappais. J'ai commencé par se mettre en anglais à l'époque. Le hip-hop, c'était pressure back. Les côtés francophones, y'avait structuré ma fanbase. C'est alors que le troisième membre joint notre organisation. C'était 11 Gémeaux plus dans ma constellation. On faisait des shows un peu partout. La réputation grandit et on faisait des premières parties. C'est alors que Sam et Sam interviennent. Deux gars du 8-3-6. Décide d'ouvrir un label et de prendre des risques. J'avais des plugs à T.O. Frankenstein avait un studio. Sors les stylos, prépare un démo. Ensuite, tout est allé faire licence avec une maison de disques. Qui voulait tout signer du rap à cause des ventes de domatiques. Mais on n'était pas prêts. Juste un démo. Next thing you know, le vidéo drop et puis on blow. I put my lifetime in between the papers lines. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. I put my lifetime in between the papers lines. Mais yo, j'ai travaillé fort, tout ce que j'ai, je l'ai mérité. I put my lifetime in between the papers lines. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. I put my lifetime in between the papers lines. Bring the truth out the dark in the broad daylight. Tu connais bien, la constellation vendait bien. Mais du jour au lendemain, tout a explosé dans nos mains. Ils montent en l'air, reviennent sur terre. Il s'est mis à pleuvoir et c'est à ce moment précis que j'ai pu m'apercevoir qui étaient mes vrais amis. Qui étaient les imposteurs, qui méritaient la vie. Et le reste voulait qu'ils meurent. C'était l'heure des choix, eux s'offrir à moi. Partir la queue entre les jambes ou tout tenter une deuxième fois. Le chémo revient à la charge. Avec un album solo, avec la rage dans le micro et la vengeance dans le stylo. Et yo, appelle ça comme tu veux. Donc j'étais parti en guerre avec moi-même et le reste de l'univers. Mac voulait blanchir du blé. Et moi je voulais bâtir un empire. C'est là qu'on a décidé d'investir. Explicit et né. Et la suite tu la connais. Tactica 8-3 Kena reconnais. I put my lifetime in between the papers lines. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. I put my lifetime in between the papers lines. Mais yo, j'ai travaillé fort. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. I put my lifetime. I put my lifetime. I put my lifetime in between the papers lines. Bring the truth. Bring the truth. Bring the truth out the dark. in the broad daylight.